Isanganiro. Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal et parler en langue française. Donc voici les principaux titres. L'examen d'état donnant accès aux lauréats des écoles secondaires a débuté ce lundi. Ceux de Karoussi ont passé le test aujourd'hui alors qu'ils n'avaient pas mangé dans la nuit d'hier. Le point dans quelques instants. Deux personnes ont été blessées au cours de la nuit dernière à la troisième transversale de la commune Gihanga. C'est sur la route Bujumbura-Chibitoke. C'était lors d'une embuscade qui a été tendue par des inconnus. Et dans cette édition également, près de 280 policiers burundais rentrent ce lundi de leur mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Et puis le journaliste Jean Biglimana du groupe de presse Iwachu et Info Gralac reste introuvable depuis le 22 juillet. Sa famille et les responsables d'Iwachu s'inquiètent. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, près de 280 policiers constituant le contingent burundais en Centrafrique rentrent ce lundi au Burundi. Les premiers sont arrivés dans la mi-journée, d'autres sont attendus cette nuit. Leur retour marque la fin de la participation du Burundi dans la mission de maintien de la paix en Centrafrique. Reportage signé Francine Ndihokubraye. Il est 17h, nous sommes à l'aéroport international de Bujumbura. 126 policiers arrivent à bord de Ethiopian Airlines de la République centrafricaine où ils étaient allés participer dans la mission de maintien de la paix de l'ONU. Pierre Moulikiye, porte-parole de la police, salue le travail qu'ils ont accompli. Les éléments que vous voyez ici viennent de terminer leur mandat. D'ailleurs, le mandat était déjà dépassé de quelques mois. Ils ont presté de façon excellente, ce qui a été prouvé par les Centrafricains eux-mêmes. Pour le moment, ce sont les premiers éléments. Le premier groupe vient d'arriver. Le deuxième groupe va arriver pendant cette nuit. Et il y a d'autres éléments qui restent là-bas pour garder les équipements qui viendront un peu plus tard. La mission de maintien de la paix en Centrafrique continuera sans le Burundi. Cependant, Pierre Moulikiye indique que si l'ONU en formule une demande, elle sera étudiée par les instances habilitées. Les éléments que vous voyez ici viennent de terminer leur mission. Quant à leur remplacement, ce sont les organisations sous l'égide desquelles ils travaillent et qui décident. Et s'ils formulent une demande auprès du gouvernement burundais, et je pense que la demande va être traitée par les instances habilitées. Ces 280 policiers qui rentrent étaient partis en Centrafrique en mi-septembre 2014. Ils venaient de terminer près de 2 ans dans ce pays. Merci à Francine Ndihokubwayo pour ce reportage. En page justice, le procès des présumés auteurs de l'assassinat du général-major Adolphe Nshimirimana a eu lieu ce lundi devant le tribunal de grande instance de Ntarangwa en itinérance à Gitega. Ce procès a duré peu de temps. Les avocats de la défense ayant demandé la remise pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire le dossier. Les détails avec Arthur Kavaouchi. Les 8 prévenus composés de 3 policiers et 5 militaires sont arrivés au tribunal de grande instance à 14h à bord d'un camion de la police nationale du Burundi en provenance de la prison centrale de Gitega. Les prévenus étaient à la barre avec leurs avocats, Maître Désiré Ndouimana et Isé Yokubayo, qui ont été fournis par le bureau du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies. Après l'identification des prévenus, les avocats de la défense ont demandé à la cour de leur accorder un temps pour lire le dossier, étant donné qu'il s'agit d'un procès criminel. Une autre chose est qu'ils ont connu le jour du procès 2 jours avant et les prévenus 3 jours avant. Mis à part cela, ces avocats disent qu'ils n'ont pas reçu le procès verbal d'interrogatoire de l'officier du ministère public dans le but de lire intégralement le dossier et pouvoir réunir les témoins à décharge. L'officier du ministère public a fait savoir au siège que ces copies sont disponibles et qu'ils n'ont qu'à venir les récupérer. Cet officier du ministère public a ajouté que si le siège juge que les doléances de la défense sont fondées, il n'a qu'à s'y plier. Le président du siège a indiqué qu'il fait une remise pour une date sine die. Sachez que c'est le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui assure la logistique dans son procès et que c'était prévu que le procès commence ce lundi jusqu'à ce vendredi. Aussi, les observateurs des droits de l'homme de l'Union africaine étaient au rendez-vous. Arthur Kavavusi Gitega, Radio Isanganiro. Merci à Arthur Kavavushi. Toujours en page de justice, les juges ont débuté les vacances judiciaires du mois d'août au tribunal de grande instance de Muyinga. Plus de 200 dossiers liés au litige foncier feront objet de constatations sur terrain dans cette commune. Tâche impossible dans un mois pour une équipe disposant d'un seul véhicule. Les détails avec Dieudonné Nzeiman. Les vacances judiciaires, ce n'est pas un moment de repos. C'est plutôt l'occasion de prononcer des jugements des dossiers en délibéré, le contrôle de la régularité des détentions en chambre de conseil, la remise des copies de jugement. L'une des tâches exécutées lors des vacances est surtout de faire des constats et des vérifications sur terrain ici à Muyinga. Au total, plus de 200 dossiers de litiges fonciers nécessitent des descentes sur terrain, des juges, une centaine pour vérification. Dans la seule commune de Guitéranie, plus de 60 justiciables s'attendent aux descentes sur terrain des juges pour des constats. Des sources au tribunal de grande instance de Muyinga précisent que c'est quasi impossible de faire toutes ces descentes en un mois avec un seul véhicule à la disposition du tribunal de grande instance de Muyinga. Certains justiciables, quant à eux, se plaignent plutôt que les juges affirment ne pas avoir de carburant chaque fois que des descentes sont programmées. Léon Chimilimana, président du tribunal de grande instance de Muyinga, reconnaît que c'est difficile de vider tous ces dossiers, mais on commencera par le plus ancien, plaisant-il. Au problème du carburant, parfois évoqué, le même président rassure que les descentes auront bien lieu avec le père de réserve à sa disposition. Vous saurez que les vacances judiciaires commencent le 1er août et se terminent le 31 août, conformément à l'article 68 du règlement d'ordre intérieur des juridictions au Burundi. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeyimana. Le journaliste Jean Bigimana du journal Iwachu et Info Grand Lac est toujours porté disparu depuis déjà 11 jours. Il a été arrêté le vendredi 22 juillet à Bougalama en province de Muramvya. La police nationale et le service national des renseignements disent n'avoir pas arrêté le journaliste. Son épouse et le groupe de presse Iwachu demandent que la vie de Jean Bigimana soit préservée. Toujours à ce sujet, il est inconcevable qu'une personne puisse disparaître en plein jour. C'est du moins l'avis du directeur du groupe de presse Iwachu, Antoine Kaburare, reste convaincu que si la police nationale s'implique davantage et se réfère sur les enquêtes du groupe de presse Iwachu, elle pourra savoir où se trouve le journaliste. Suivez Antoine Kaburare, il est au micro, il est le directeur du groupe de presse Iwachu. Au 10e jour de la disparition de notre confrère Jean Bigimana, c'est bien sûr l'inquiétude et l'angoisse du côté des parents, bien sûr, de son épouse qui est une jeune maman, mère de deux petits-enfants, 8 ans et 3 ans. Vous imaginez bien la détresse de cette jeune famille. Mais c'est aussi l'angoisse du côté de la famille, des professionnels, des médias, des journalistes et tous ceux qui ont à cœur la liberté d'expression au Burundi. Mais c'est aussi inconcevable qu'une personne peut disparaître en plein jour. Nous avons essayé d'en savoir un peu plus. Nous avons passé par toutes les voies, les voies officielles. Nous avons écrit officiellement au CNC, qui a en charge aussi la protection des journalistes. Le CNC qui a été vraiment très coopératif, Monsieur Karenga Ramadan, a assuré à Iwachu qu'il allait suivre le cas de très près. Nous attendons son feedback. Nous avons aussi contacté la police, mais nous sommes également journalistes. Malgré nos moyens limités, nous avons pu mener notre enquête et trouver quand même des indices sérieux d'enlèvement. Nous sommes convaincus que la police burundaise, si elle est motivée, si elle veut vraiment trouver la vérité, elle peut aller plus loin que ce que nous avons pu faire. Nous attendons de la police une plus grande implication et nous nous accrochons à l'idée que Jean Bigimana est encore en vie et nous implorons vraiment la police à collaborer, à s'impliquer davantage dans l'enquête. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Sur la page éducation, les élèves finalistes des humanités générales et techniques ont débuté le test national leur donnant accès à l'enseignement universitaire. Ce test se déroulait normalement à certains centres de passation à Bujumbura, mais quelques désagréments se sont observés, notamment le retard au lycée du Saint-Esprit Marie-Ange Zeymana. Au lycée du lac Tanganyika, où se trouvent deux centres de passation de ce test, l'examen se passe sans problème majeur, comme nous l'avons constaté. Le seul désagrément observé a été la difficulté de pouvoir localiser les copies des examens des élèves de la section banque et assurance. C'est à ce même lycée du lac Tanganyika que le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert officiellement les activités de passation de ce test. Les deux centres du lycée du lac totalisent l'effectif de 1450 élèves. Au lycée du Saint-Esprit, l'examen a débuté vers 11h parce que c'était le premier jour, explique Bangamiye Thomas, directeur de ce centre, mais le test aussi s'y déroule bien. Je vois que la situation est normale, il n'y a pas de problème jusqu'à présent. L'examen a commencé un peu avec un petit retard, mais toujours le premier jour c'est comme ça. Ouais, il y a un petit nombre d'absences. Nous avons demandé au directeur des écoles, ils nous ont signalé que ces absences sont des cas d'enfants qui n'ont pas réussi alors qu'ils étaient inscrits. On devait recevoir une affaire de 578. Je pense qu'il y a à peu près une vingtaine d'absences. Le reste, on va le constater après. Cet élève du lycée du Saint-Esprit précise qu'ils se sont bien préparés pour réussir l'examen d'État. Nous nous sommes bien préparés pour l'examen d'État qui est aujourd'hui au rendez-vous. Seulement, nous sommes fatigués puisque l'examen tarde à venir. J'espère que malgré le soleil accablant, je vais réussir. J'ai confiance en mon intelligence qui va me sauver. Et signalons que plus de 43 000 élèves sont en train de passer ce test au niveau national et qui sont répartis dans 678 écoles à travers tout le pays. Marie-Ange Nzeimana, la passation de l'examen d'État pour les lauréats des écoles secondaires de Karoussi a débuté avec un grand retard. Cela est ainsi au moment où les élèves grognent qu'ils ont passé la nuit dernière sans manger. Le directeur d'Obuhiga et qui les internes explique qu'ils avaient manqué de l'eau pour la cuisson. Blaise Pascal Kararoumié depuis Karoussi. Jusqu'à 11h30, la passation de l'exétat n'avait pas encore commencé au lycée de l'Espérance de Ouiga dans la province scolaire de Karoussi. Les responsables de ce centre de passation faisaient encore l'appel. Le directeur de ce centre de passation de la province scolaire de Karoussi explique qu'au matin, les bancs pupitres étaient encore dans la cour intérieure et que le placement et l'arrangement de ces bancs pupitres et des classes a pris beaucoup de temps. Il indique que les responsables sur place n'ont pas préparé à temps ce qu'il fallait pour la passation de ce test, signalant que même les bancs étaient insuffisants par rapport à l'effectif de ces candidats. Cela était ainsi au moment où la plupart de ces élèves lauréats disent avoir passé cette nuit sans manger et que même ceux qui ont pu manger ont eu le repas après minuit. Le directeur du lycée de Bouhiga, qui a hébergé plus de 400 de ces lauréats sur les 700 lauréats de la province Karoussi, explique que c'est le manque de l'eau à l'internat, le placement de ces élèves à l'internat, qui aurait perturbé la disponibilité du repas jusqu'à des heures plus avancées. Il a donc des gens fidèles, tranquillise de ses élèves en disant qu'il a déjà contacté le régie communale de l'eau pour que ses élèves aient de l'eau en suffisance à l'internat de cet établissement scolaire, ne fût-ce que pendant les 4 jours de passation de l'exétat. Depuis le lycée de l'Espérance de Bouhiga, dans la province de Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci également à Blaise Kararoumié. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique organise un camp de travail pour environ 10 000 enfants et jeunes scolarisés de la mairie de Bujumbura. Docteur Jean-Vierre Ndilahisha, qui est à la tête de ce ministère, indique que ce programme encourage les jeunes à adopter des approches positives sur la promotion de la paix. Célestin Blaise Ndihokubayo nous en dit plus. Selon Madame la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette activité est la mise en application de l'objectif du gouvernement pour encadrer les jeunes en vacances, car l'éducation des enfants est minée par plusieurs choses dans leur famille, mais aussi à l'école. Elle a cité entre autres le banditisme, la toxicomanie, la débauche, les ligalas et d'autres. Madame la ministre a souligné aussi que c'est une bonne occasion pour ses enfants de profiter de cet encadrement qui vise à les apprendre à être responsables, mais aussi à aimer le pays. Ces activités dureront un mois. Elle a demandé aussi aux parents de passer dans ces centres chaque vendredi pour aider à leur tour dans la réparation des bancs pupitres et des livres déchirés. Du côté des agences onusiennes qui assistent dans ces activités, Dr Sophie Léonard, responsable adjointe du représentant de l'UNICEF au Burundi a indiqué que cette activité permettra à environ 10 000 jeunes de la capitale de participer à des activités ludiques et d'acquérir en outre des compétences de la vie courante comme la communication non violente et l'éducation à la paix pour l'avenir du Burundi. Il a ajouté que 400 enseignants ont été formés pour encadrer ces jeunes qui seront accueillis dans 20 sites de la mairie de Bujumbura. D'après Sophie Bernard, ces enseignants développeront des activités récréatives. Elle a montré aussi que c'est l'occasion d'échanger avec ces jeunes sur les défis qu'ils traversent, les conflits qu'ils rencontrent et de les amener à adopter des approches positives axées sur la promotion d'une culture de paix. Selon Sophie Bernard, ils ont une responsabilité d'outiller ces enfants pour qu'ils soient mieux préparés à devenir des adultes responsables du demain. Nous pouvons semer quelques petites graines de paix en offrant, comme au cours des semaines qui vont venir, un espace de dialogue, un environnement protecteur qui permette de contribuer au développement de ces jeunes, de ces enfants, qui représentent l'avenir de ce pays. Au regard de la crise que traverse le Burundi, ces camps d'été représentent une opportunité d'offrir aux enfants, aux jeunes, un espace sain, protecteur, qui leur permettra de s'épanouir, de développer leurs talents, leurs compétences, et aussi de partager des moments d'amitié. Vous saurez que les agences du système des Nations Unies qui participent à ces activités sont l'UNICEF, l'UNFPA, l'OPAM et le programme des volontaires des Nations Unies. Isanganiro. Sur la page sécurité, 2 personnes ont été blessées, de l'argent et des téléphones portables volés. Cela a eu lieu lors d'une embuscade étendue au cours de la nuit de dimanche à lundi par des hommes non identifiés sur la route nationale numéro 5 Bujumbura-Cibitoke, précisément à la 3e transversale de la commune Gihanga en province de Bubanza. Les forces de l'ordre sont vite intervenues et ont pu récupérer cette personne qui avait été kidnappée. Les précisions avec Space Caritas Kabanyana. Ces 2 personnes qui ont été blessées étaient à bord du véhicule de Malke Fusso qui est tombé dans une embuscade au cours de cette nuit de dimanche à lundi à la 3e transversale de la commune Gihanga sur la RN5, la route Bujumbura-Rugombo. L'une des victimes se trouvait dans un état très critique selon ses proches. L'embuscade a été donc tendue par des hommes armés non identifiés. Ils ont tiré sur le Fusso qui se rendait à Lumongue selon les rescapés et au moment où le chauffeur courait à toute allure pour essayer de se sauver, les pneus ont été touchés par les balles et il s'est arrêté. Les assaillants ont vite déchargé les sacs de tomates, de poivrons, des ananas et des cannes à sucre et ils ont intimé l'ordre au propriétaire de transporter le butin. Avant de fuir, ils ont brûlé le véhicule mais les militaires ont arrêté le feu avant que le véhicule ne s'enflamme. Ils ont ensuite poursuivi les ravisseurs dans la réserve naturelle de la Lukoko où des tirs nourris ont été entendus pendant un bon moment. Les sources militaires indiquent que les 7 passagers ont été récupérés. Les marchandises, une grosse somme d'argent dont nous n'avons pas pu connaître le montant et des téléphones portables ont été emportés par les agresseurs jusqu'à présent non identifiés. Les habitants du village de Pedokagwima contactés indiquent qu'ils se comptaient en une vingtaine armés de fusils et de machettes, les uns en tenue militaire, les autres en tenue civile. Précisons que cette attaque fait la 2e dans une semaine dans cette commune de Gihanga après celle perpétrée à Buringa dans la nuit de mercredi la semaine passée et qui visait les troupeaux de vaches. Pescaritas Kabanyana, Gihanga, Radio Isanganiro. Merci à Pescaritas Kabanyana. Les rives de la rivière Narangwa passant par le quartier Kigobe en mairie de Bujumbura continuent à s'écrouler. Là où nos reporters sont passés ce lundi, les riverains craignent pour leur sécurité. Ils demandent que des mesures concrètes soient prises pour protéger les ménages et arrêter la catastrophe. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Isanganiro.